Faites-les sortir du monde. C'est bon. Nain autre s'en vient. Déjà. La dynamique d'un être spirituel, c'est, comme vous l'avez bien exprimé, c'est de se sentir plus petit que quelque chose. La personne qui a de l'identité, se sent-tu plus grande ou égale? Non, elle ne se sent pas. Une personne qui n'a pas d'identité, elle ne se sent pas. Non, elle est quelque part. Tu es dans un centre quelque part, mais tu ne te sens pas. Parce que si tu commences à te sentir, là, tu te sens intelligent, tu te sens bon, tu te sens si, tu te sens gros minou, tu te sens toute une affaire. Fait qu'à ce moment-là, tu commences à réfléchir sur ta personne. OK, fait que ça, c'est un... C'est ça qui est beau, l'identité, c'est que ça... Tu te sens pas, mais t'es quelque part. T'es dans un espace psychique quelque part. Il y a un centre quelque part qui se promène. Mais tu te sens pas. Tu peux pas dire, bah, c'est gros, c'est petit, c'est intelligent, c'est moins intelligent, c'est bon, c'est pas bon. Comme vous, vous avez jamais de mesure de vous-même. Non, je suis pas intéressé dans moi non plus. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on veut pas avoir de mesure de nous? Mais c'est pas que tu veux pas, ça c'est sentir. Vous faites tous des erreurs. C'est vrai, c'est bon. C'est une... Ça, c'est une belle nuance. Belle nuance. Ben, ouais, ouais, on fait des coups, c'est nuance. Ouais. Bon, une personne qui sent pas, ouais. Il y a elle sait. Ouais. Quand tu te sens, tu te sais pas. Quand tu te sais, tu te sens pas. Ça, me semble, c'est le genre de phrase qu'on met dans un agenda pour tel jour, là, tu sais, ça... On a du fun pareil, hein? Ça sent bien, ça sent bien. Au début, c'était pas évident, là, mais ça sent bien. La dynamique... Parce qu'on se sent pas, c'est le fun. Ben, je me sens moins, là. J'avoue que dans la première partie, je me sentais un peu plus. Dans le contexte d'une personne qui ne se sent pas, le processus pour arriver à plus se sentir, si tu donnes en voix tellement souffert qu'on ne veut plus se sentir? Non. Il n'y a pas d'application de la volonté à plus se sentir? Non, à ne pas se sentir, c'est le refus de la souffrance. C'est le refus de la souffrance. Ouais. Donc, il y a une souffrance avant, là. Ouais. OK. Plus tu souffres, plus tu en arrives à ne pas te sentir, parce que moins tu es capable de t'identifier émotivement à la cause, la forme de ta souffrance. Ah, OK. Ça, c'est bon. Ce qui fait qu'on cesse parce qu'on s'identifie émotivement à la forme. Supposons que je vous dis, t'es bien gros, t'es un gros ventre. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Si vous vous identifiez pas émotivement à la forme, vous vous sentez pas gros. Non, je détablis ça comme un constat. C'est un constat. Il y a une bonne vision, le gars. Mais si vous vous identifiez émotivement à la femme, là, à ce moment-là, mais là, c'est une façon de parler. Vous pouvez être triste, vous pouvez dire dans votre tête pourquoi est-ce qu'il fait ça en public, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je c'est dis... des pensées que j'aurais pas eues. Comme... Fait que c'est ça que je dis, c'est ça pas se sentir. Ouais. C'est bon. Mais conséquemment, ce point-là, ça veut dire qu'une personne qui ne réfléchit pas est toujours en projection vers l'extérieur. Tout le temps. Fait que vous êtes une personne qui projetez continuellement. Tout le temps. C'est ça. T'es comme une tempête. Tout le temps. Comme une tempête. Ouais. C'est dur. Mais en dedans, dans l'œil de la tempête, c'est calme. Ouais. Tu te sens pas. Fait que c'est toujours les gens autour de nous autres qui... Ça se pourrait-tu qu'une personne qui ne sent pas oblige les autres à se sentir? C'est son rôle. C'est sa fonction. Ça veut dire que tu ne peux pas, dans une certaine orbite quelconque, tu ne peux pas avoir plus qu'une personne qui ne sent pas à la fois. Tu peux en avoir deux, mais c'est un mariage. C'est un couple. Oui, ça veut dire qu'ils sont tous les deux dans l'œil de la tornade. C'est ça. Puis la famille au complet. C'est ça. Cette famille-là, on a avantage à être dans sa famille plutôt qu'être en orbite. Oui, effectivement. Okay. Bon, un vieux intéressé. C'est parce que j'essaie de voir comment une micro-société qui ne sent pas peut vivre ensemble sans déranger son environnement. Puis là, de la façon que vous me parlez, c'est évident que ça dérange. Mais une personne qui a d'identité, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange parce que les autres n'ont pas d'identité. C'est ça. Par contre, quand tu as de l'identité,